franceinter.fr. Bonsoir. Avec autant n'importe l'histoire, c'est en Italie que nous partons ce soir, au XVe siècle, à Florence, en compagnie d'un artiste que j'aurais adoré rencontrer, vous aussi sans doute, le peintre Sandro Botticelli. L'émission est réalisée par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Giubacca, à la technique Juliette Delperroux. Botticelli, l'auteur génial notamment de La naissance de Vénus. La déesse de la beauté sort d'un coquillage sur la mer, elle est totalement nue. Sa longue chevelure blonde couvre juste son pubis, sa tête est penchée et son regard mélancolique. Un tableau tellement connu et familier, tellement reproduit partout en produits dérivés, mugs et autres sets de table, qu'on en vient à ne plus le regarder vraiment, à oublier sa force subversive et les passions qu'il déchaîna à la fin du XVe siècle. En 1494, un moine prédicateur, Jérôme Savonarole, prend le pouvoir à Florence. S'affirmant comme la voix de Dieu, il fait régner la peur, fustige les femmes impures, les homosexuels et tous les mécréants, fait dresser d'immenses bûchers des vanités où sont jetés miroirs, bijoux, livres de poésie, instruments de musique et peintures représentant des hommes et des femmes nues. Botticelli, le peintre de l'humanisme et de l'amour, se terre chez lui. Pourra-t-il résister aux foudres apocalyptiques de Savonarole ? Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Sophie Chauveau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels Le Rêve, Botticelli, un très beau roman où vous racontez une partie de la vie du peintre florentin et en le mettant en scène dans son atelier, au milieu de ses amis, les peintres. Et puis, il y a bien sûr Léonard de Vinci, Laurent le Magnifique, Pic de la Mirandole, et avec les hommes et les femmes aussi qu'il a aimés, ceux de sa famille, et puis Pippo, Sandra, Simonetta Vespucci, celle qui fut son modèle pour la naissance de Vénus. Alors pourquoi, selon vous, Sophie Chauveau, le personnage de Sandro Botticelli, et puis sa peinture bien sûr, exerce-t-il autant de fascination encore aujourd'hui ? Parce qu'il est d'une folle modernité. Il est le premier artiste qui a peint la mélancolie. C'était sûrement un mélancolique, mais en revanche, il est le premier à avoir osé la peindre. Et il a donné à ses déesses, par exemple Vénus, les mêmes qualités des Vierges Marie, et inversement aux Vierges Marie, les mêmes apesanteur évanescente des déesses. Donc il a, d'une certaine façon, traité la féminité plutôt que la religion. Ça, c'était assez important à ce moment-là, parce que personne n'aurait osé faire ça encore. Alors pour bien comprendre l'histoire qui va suivre, donc c'est le choc qui a été Savonarole dans la vie de Botticelli, donc à la fin du XVe siècle, est-ce que vous pouvez nous dire, Sophie Chauveau, ce que représentait déjà Florence au XVe siècle, cette capitale de l'art et de l'humanisme ? Quelle place avait Florence ? Et puis Botticelli là-dedans, qu'est-ce qu'il était ? Florence présente l'intérêt et l'avantage pour des romanciers d'être la première ville à inventer la Renaissance. Ça se passe à Florence, et ça se passe à Florence avec 50 à 70 ans d'avance sur le reste de l'Italie, des grandes cités italiennes, et bien sûr sur le reste du monde, donc enfin de l'Europe. Donc cette Renaissance est inventée à Florence, et réellement, au début du XVe siècle, on avance dans les gravats du Moyen-Âge en inventant la Renaissance là. Le dôme n'est pas posé, on a... La cathédrale de Brunelleschi. Ouais. Le dôme. La cathédrale existe, mais le dôme n'a pas encore été posé. Ah, c'est oui. Léonard de Vinci chez Verrocchio qui va contribuer à le poser. Et on est dans des botteguées. Alors, il se passe un truc extraordinaire. Florence a un mouchoir de poche encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'est encore plus petit. Tout se fait dans un tout petit endroit où tout le monde vit. Et il y a, au centimètre carré, on ne peut même pas parler de mètre carré, à Florence, les plus grands génies de toute une époque et qui vont ensemencer le reste de l'Europe. Donc, on est à un moment de l'histoire où on a l'impression que le bonheur et l'intelligence se sont déplacés en personne pour s'installer à Florence et y rayonner. Et donc, on a une ville qui... Comme toujours, quand les artistes prennent le pouvoir, en tout cas le pouvoir culturel, se dévergondent et s'émancipent. Et à partir de ce moment-là, Florence devient une ville assez légère. Avec une ville de plaisir. Voilà. Ouais. Oui, il y a même une recrudescence de l'homosexualité de façon assez considérable, au point qu'en allemand, Florenzer veut dire homosexuel à ce moment-là de l'histoire. Donc on est à un moment où où on ne se reproduit plus parce qu'il fait bon vivre célibataire, par exemple. C'est assez amusant. Donc, fatalement, la répression s'avancera. Et Savonarole est l'incarnation de cette répression-là. Et Botticelli, qui est-il donc à la fin de ce siècle, en 1498 fin, c'est déjà c'est un homme d'un certain âge. Oui, mais c'est le plus grand peintre de l'époque. C'est le plus grand peintre c'est du Quattrocento. Ouais. Absolument. En tout cas, de son vivant, c'est le plus grand peintre, le plus célèbre et le plus connu. Il a des tableaux dans toutes les cours, il est célèbre et riche, sinon qu'il, ça ne l'intéresse pas beaucoup, donc il distribue pas mal. C'est un homme secret, mélancolique et séduisant, mais encore assez caché quand même, dans cette ville où tout se montre. Nous allons reprendre cette discussion sur Botticelli, sur Florence, dans quelques minutes, enfin dans une trentaine de minutes plutôt. Tout de suite, Botticelli monte au bûcher, un texte original de Bertrand Leclerc et une réalisation de Benjamin Habitant. Assez de jeux, assez de bals, assez de fêtes. C'est le jour des larmes et non le jour des fêtes. Dieu m'a envoyé à Florence pour annoncer le grand fléau. Oh mes frères, mes enfants, pleurez avec moi sur les maux de l'Église, afin que le Seigneur invite les prêtres à faire pénitence, car une grande catastrophe les menace. C'est le clergé qui entretient toutes les scélératesses. Cela commence à Rome, où l'on se moque du Christ et des saints. Ils sont pires que les Turcs, pires que les morts. Ils refusent de souffrir pour l'amour de Dieu et ils vont jusqu'à vendre les sacrements. Croyez-vous que Jésus-Christ voudra supporter cela plus longtemps? Dieu m'a envoyé à Florence pour annoncer le grand fléau. Cathédrale de Florence, 1498. Sous l'immense Duomo, élevé par Brunelleschi un demi-siècle plus tôt, la voix du moine Jérôme Savonarole tonne et roule sur les épaules courbées des 15 000 fidèles venus l'écouter une fois de plus. Voilà 8 ans que le moine dominicain à la capuche et au regard noir tient la ville sous la puissance de son verbe, la plante à la rédemption en dénonçant les artistes corrompus, les prêtres mécréants et les seigneurs parjures. Sa parole prophétique a tant frappé les esprits, au sein du peuple comme des élites, qu'il a réussi à mettre en fuite les Médicis et imposer une république théocratique. Le temps où s'inventait chaque jour l'humanisme, à la fastueuse cour de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, ce temps est bel et bien révolu. Mais le pouvoir de Savonarole semble terriblement fragile depuis que le pape Alexandre VI a décrété son excommunication. À l'issue du siècle qui a fait de Florence le joyau des arts et de la pensée, la guerre civile menace. À la tombée du jour, dans la ville au cabaret fermé, chacun se terre chez soi ou rase les murs, redoutant les milices d'enfants organisées par les fidèles de Savonarole. Les fanciulli del frate, comme on les appelle. Ils patrouillent, pourchassant les femmes en cheveux, dénichant jusque dans les maisons les images licencieuses. La ville leur appartiendrait presque. Mais d'autres bandes de jeunes gens les défient, les Arabiati, nostalgiques, eux, du règne de Laurent le Magnifique. Et voilà. Une débecte avec leurs cierges et leurs crucifix rouges. Tu es prêt? Oui. On lance les pierres, on se casse et on saute la corde après le coin. S'ils voient la corde dans la nuit, jurez, je veux bien croire au miracle. Allez, fanciulli del frate di merda, retournez têter vos mères. Allez, Regarde ces cons. Ceci est un miracle, mes frères. Un miracle. Mais vite, juste après le prochain coin, chez Botticelli. Faut se grouiller que ces abrutis ne nous voient pas entrer. Non. Ah, c'est toi. Entre, Pietro. Tu exagères de débarquer comme ça. Tu m'as dit que j'étais le seul que tu acceptais jour et nuit. Et celui qui a passé la tête avec toi, c'était qui? Angelo. Il monte à la cuisine. Tu ne devineras jamais. Quelle course! Qu'est-ce que tu as encore inventé? Mais c'est quoi tous ces dessins? Qu'il est beau. C'était ton amant? Pietro. Je veux bien poser comme ça, tu sais. Pourquoi tu ne me dessinerais pas, moi aussi? Tu sais bien que je n'arrive plus à peindre, à dessiner, à rien. Ça, et l'atelier qui ne tourne plus, et moi qui suis le dernier à rester là, te regarder te morfondre, il faut vraiment que je t'aime. Quand est-ce que tu t'y remets? Et arrête de t'isoler. La peste est finie, Sandro. Dessine-moi. Aime-moi. Tu es fou. Tu es beaucoup trop jeune, et moi trop vieux. Je ne suis plus un enfant. Qu'est-ce que tu crois qu'on joue au dé, Angelo et moi? Vous feriez bien de faire attention. Tu as beau habiter ici, tu n'es pas à l'abri. Mon frère, Simone... Oui, je sais, je sais. Ton frère passe son temps à te mettre en garde. Ils voudraient tellement te convertir à leur salade qu'ils sont fatigants. Mais cela va changer. Les gens en ont assez... En attendant, ils sont 15 000 à se presser à la cathédrale dès qu'un sermon est annoncé. 15 000! Pauvre Brunelleschi. Père son âme. Avoir élevé la plus grande, la plus belle cathédrale du monde pour entendre ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ne pars pas. Tu pourrais m'emmener... Partir? Laisser ma famille ici, mon frère Gabriel est à peine enterré? De toute façon, je crois que Simone a raison. Tu imagines? Si les fanciulli découvrent tous ces dessins... Jamais ils n'oseraient. L'atelier de Sandro Botticelli, le plus illustre des peintres de Florence. Je te trouve bien optimiste. Le plus illustre. Celui qui a peint les nus les plus audacieux aussi, au temps de Laurent. Personne ne l'a oublié du côté de la Seigneurie. Je fais partie des coupables. Coupable d'avoir attiré la colère de Dieu sur la ville de Florence. Non, non, Pietro. Simone a raison. Même sa protection n'y pourra bientôt plus rien. Il faut que je trie. Quelle horreur, mon Dieu. Quelle horreur. Il faut que tu tries. Ce que je veux protéger... Envoyé à la campagne. Il peut m'aider. Peut-être en garder deux, trois, pour enfin, je ne sais pas. Oula! C'est qui, celle-là? Dieu, quelle beauté! Et qu'elle est nue. Mais tu l'as peinte combien de fois, elle? La bella Simonetta. L'unica. Simonetta Vespucci. Morte en quelques jours à 23 ans. On dirait ta naissance de Vénus. Tu l'as aimée aussi, elle? Ah, Pietro. Allez, arrête tes questions. Mais regarde, oui, ça, je veux bien. Que tu regardes, toi. Tout ça me semble si loin. Tous, nous cherchions la lumière de l'homme et de la femme sur la terre. Sandro, c'est tellement magnifique quand tu travailles. Pourquoi tu ne veux pas? Quoi? Partir, m'emmener... Ailleurs, pour que tu retrouves la force de m'apprendre encore. Et ta famille, à toi? Elle ne vaut guère mieux que la tienne. Il serait bien content. Dis pas de bêtises. Regarde plutôt. Oui, je veux bien que tu regardes, toi, Pietro. Ces dessins que plus personne ne peut voir. J'aime comme tu regardes. Le plus fougueux, le meilleur de mes apprentis. Le dernier qui reste à mes côtés. Qui reste là à me voir sombrer dans le noir, incapable de peindre. Depuis combien d'années mes mains n'ont plus caressé? Tout s'est obscurci si vite. Il faudrait te raconter, Pietro. Mais comment pourrais-tu comprendre, toi qui avais, quoi, 12 ans à la mort de Laurent le Magnifique? Comme tu aurais aimé les fêtes de Careggi. Les joutes poétiques, les murmures d'amour sous la musique, dans le jardin la nuit. Et l'émulation des peintres cherchant à célébrer la beauté humaine. Simonetta qui l'incarnait. Chaque jour, elle venait poser. Est-ce que c'était de l'amour? Sans doute oui. De l'amour. Tu es trop exigeant, mon Sandro, j'en peux plus. Attends. Une seconde. Une petite seconde. Ne bouge pas, j'ai presque fini. Là. Dieu que tu es belle, Simonetta. C'est bon, je peux m'asseoir? Tiens, prends cette couverture. J'ai pas froid. Tu me montres? Tu peux rester encore un peu. C'est terriblement impudique, non? Tous ces dessins. Tu en as déjà tant. Qu'est-ce que tu cherches? Je suis si mystérieuse pour toi. Mon Dieu, s'il savait ça. Qui donc? Ton mari? Mes amoureux, surtout. Je t'ai dit que Julien m'a encore fait envoyer un poème ce matin. J'ai bien cru qu'il ne pourrait pas se contenir hier soir. Qu'il allait se jeter sur Policien d'avoir écrit ces vers si troublants. D'avoir osé surpasser un Médicis en public. Et d'avoir osé le faire pour toi. Tu as remarqué? S'il savait que je suis nue ici tous les jours. Sandro. Oui. J'aime poser pour toi, j'aime que tu me dessines, mais... Tu ne veux pas poser Sandro. Tes pinceaux, tes crayons, pour une Sandro. Fois. Sandro. Sandro, ça va? Oui, ce n'est rien. Je rêvais. Tu rêvais? De qui? Raconte. D'autrefois. Ah, aide-moi à me lever, Pietro. Tous ces dessins. Parfois, je me demande... Est-ce un signe que Simonetta soit morte si jeune? Le signe d'une faute? Une faute? Peut-être je n'aurais jamais dû la peindre nue. Peut-être Savonarole a raison d'invoquer la colère de Dieu. Sandro, tu ne vas pas t'y mettre. Croire ce faux prophète, ce pantin manipulé par le roi de France ou Dieu sait quoi. Souviens-toi de ce que disait ton ami Vespucci, ici même, hier encore. Mais la peste, il l'avait annoncée. Elle est finie, la peste, Sandro. Ce n'est ni la première ni la dernière épidémie à frapper une ville. Elle est finie. Finie. Oui, mais elle a rendu la ville à Savonarole. La ferveur est partout. Ils vont d'eux-mêmes en procession sacrifier les objets auxquels ils tenaient tant hier. Tu as vu le monde piété qu'ils ont élevé place de la Seigneurie? Tous ces trésors qui attendent les flammes. Et moi, ils me font peur, les fanciulli del frate, précédés de leur crucifix rouge, comme le sang du Christ. Ils me font peur quand ils obligent les femmes à se voiler, qui pourchassent ce qu'ils appellent les sodomites, quand ils s'invitent dans les maisons pour extirper l'alcool et les jeux de cartes, et les cosy fichés, les bijoux, même les miroirs maintenant. Ils me font peur aussi pour toi, Pietro. Pour moi? Ce goût du risque que j'aime chez toi, qui me rappelle ce que j'ai été, mais ils vont te haïr, Pietro. Ils vont te détruire. Oh, Sandro. Partons. Emmène-moi. En 1497, les Florentins s'étaient lassés des interdictions. Personne alors ne donnait cher du moine dominicain. Les bouges et les cabarets rouvraient déjà dans les rues de Florence. Partout, on réclamait le retour des princes et des fêtes. Stupéfait que Savonarole ait le courage de sortir de son couvent San Marco, de se rendre à la cathédrale, entouré d'hommes armés, pour y défier une fois de plus le très corrompu Alexandre VI. Je suis l'ambassadeur de Dieu sur la terre, et vous voulez que je trahisse sa parole et sa confiance en faveur d'un pape corrompu? Prends garde, Italie. Venez, venez, prêtres, venez, mes frères. Voyons si nous pouvons ressusciter l'amour de Dieu. Ô Père, nous serons mis en prison. On nous persécutera, on nous tuera. Tant pis, qu'ils tuent qui ils voudront. Ils n'arracheront pas le Christ de mon cœur. Je veux mourir pour mon Dieu. Vous voulez que je me taise? Il vous déplaît que je prophétise? Vous devriez plutôt me remercier, puisque je vous mets sous les yeux les calamités qui vous attendent et le remède pour y échapper. Convertissez-vous donc promptement, tous et chacun. Retournez au Seigneur. Voici que s'approchent les temps que j'ai prédits. Nous voici à l'heure du danger, et l'on verra maintenant qui est du parti de Dieu. À la fin de l'année 1497, c'est la peste qui, en s'abattant sur Florence, a sauvé Savonarole de la colère du peuple. N'était-ce pas là le grand fléau que le prédicateur avait annoncé au lendemain de son excommunication? Les ennemis de Savonarole n'avaient pas eu le temps de réagir, que déjà les rats envahissaient la ville pour y crever à l'air libre. La peste. Le mot couvait dans toutes les maisons, précédant de peu la mort. On comptait bientôt 60, 100 cadavres par jour, dont Gabriele, le frère aîné de Botticelli. Toutes les maisons étaient en deuil. Partout régnait une terrifiante odeur de fin du monde, alors que les corps dérivaient sur l'Arno, menaçant de boucher les arches du Ponte Vecchio, vidées de ses artisans. Les puissants quittaient tous la ville, cherchant l'air pur des collines. Seul Savonarole demeurait. Il courait la ville, soignait les malades nuit et jour. Qui à ma place n'aurait pas douté? Mon frère mort si vite dans d'affreuses souffrances, son calvaire comme un acte d'accusation qui m'était adressé. J'ai prié, nous avons tous prié ces jours-là. Pietro, et toi aussi tu as prié. Que faire d'autre quand la peste frappe et décime? Tu avais peur, tellement peur. Tu me suppliais de ne pas sortir, de ne pas aller voir Gabriel et sur son lit de mort. Mais j'y suis allé, et je lui ai tenu la main. Et je lui ai promis, Pietro, je lui ai promis de rester, de protéger ma mère, ses enfants, notre famille ici, à Florence, de prier. Partir, ce serait risquer de ne jamais pouvoir revenir. Regarde. Oui, montre-moi. Ah, Pietro. Excuse-moi. Je devrais être plus attentif, suivre ton travail. Tu fais de tels progrès. Qui n'en ferait pas? Avec toi, au milieu de ces merveilles. Libéré de la peste. Il a cette force, lui, de tourner les pages. La force de la jeunesse. La force d'oublier l'ombre de la mort dès qu'elle s'éloigne. Et pourtant, Pietro, pourtant tu le sais aussi bien que moi qu'aucun des moines du couvent de San Marco n'a été touché. Aucun, alors que Savonarole s'exposait au secours des pestiférés. Pietro, comment trouver le courage de me séparer de toi? T'envoyer loin d'ici, de ces desseins qu'il faudrait trier, envoyer à la campagne. Sacrifié, dit Simone. Les brûler. Et alors? Moi-même deux fois déjà, j'en ai eu la tentation. Les brûler, ces maudits desseins. Quand Simonetta se mourait, que j'étouffais. Qu'avions-nous fait, elle et moi, qu'elle payait d'atroces souffrances? L'avoir amenée à se dénuder, s'offrir à mon pinceau, était-ce donc un crime? Mais c'était moi qui rêvais de les détruire pour me libérer de la malédiction. Moi seul, personne d'autre. Personne n'a le droit de m'obliger à sacrifier la plus belle part de moi. Ah, je ne sais plus, Pietro. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus rien, sinon la honte et l'effroi, incapable de soulever un pinceau. Non, j'ai dit personne. Je ne veux voir personne. C'est moi, Simone. Ouvre, Sandro. Je dois te parler. Je viens du couvent San Marco. Attends, juste une minute. Entre. Cette fois, c'est grave, Sandro. Bonjour, Simone. T'es encore là, toi? Pourquoi encore là? Je suis avec mon maître. Je ne comprends pas, Sandro. Je t'ai raconté que des gens l'ont vu hier se réfugier chez toi, après avoir tendu un piège à ces pauvres enfants. Tu écoutes les ragots. Pietro et moi n'avons parlé, Simone. Cela ne se reproduira plus. Dis plutôt ce qui t'amène. Tu joues avec le feu. Les Fanciulli n'ont pas osé entrer hier soir, mais ils vont venir, tôt ou tard. Je ne peux plus l'empêcher. Et encore moins si tu continues de le protéger, lui, dont la réputation... Beaucoup dans la ville se souviennent de tes nus de garçon. C'est le meilleur des apprentis que j'ai eu depuis Filippino. Mais, Simone, tu ne crois tout de même pas... Trop longtemps, les sodomites ont été la pire plaie de cette ville. Le signe de sa débauche, de son infamie. Je t'interdis! Tu ne comprends donc pas? Tu es en danger. Tu n'as plus le temps. Ils vont venir, ils vont forcer ta porte. Tu m'as dit que tu n'en faisais plus, et je te crois. Mais s'ils trouvent ici ces dessins d'autrefois... Sandro, je t'en supplie. Tu dois donner des gages. Des gages? Je ne peins plus, de toute façon. Tout cela est fini. Tout le monde sait que ton atelier regorge d'images impures. Impures. Je peux t'aider à en faire transporter discrètement, mais il faut aussi en apporter place de la seigneurie. Place de la seigneurie? Tu oses demander à ton frère de participer à cette mascarade? Lui demander de se repentir? De porter ses chefs-d'œuvre au bûcher? C'en est trop, Sandro. Demande à ce garçon de sortir. Il te met en danger. Je le protège. Au contraire. Je le protège de la démence qui emporte cette ville, de ce tyran, ce faux prophète qui préfère mourir que céder la place. Il est d'une telle laideur. Il ne supporte pas. Il hait la beauté. Comment oses-tu? Frère Jérôme vénère la beauté qu'il connaît mieux que toi. Il prie chaque jour devant les fresques de l'immense Fra Angelico. La beauté de l'âme. La beauté de l'âme. Si ce n'est pas se venger, ça? Se venger de ce corps grotesque qu'il trimballe et ce visage à faire peur, difforme, hideux. Assez! Ça suffit. Je ne veux pas de cris ici. Vous me torturez, vous me faites mal. Savonarole est voué à l'échec. Parce qu'il va se faire écraser, Simone. Et c'est toi qui viendras ici chercher refuge. Parce que le peuple va se venger. Un tyran qui n'a même pas d'armée. Tiens donc. N'est-ce pas là le discours que tient un jeune homme du nom de Machiavel? Serait-il de tes amis de débauche? Ta police est bien faite. Simone, tu es mon frère. Qu'on veuille réformer les mœurs, je le conçois. Je peux l'approuver comme toi. Mais brûler des œuvres, des livres, des tableaux, des dessins... Tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la peinture, c'est l'incitation au péché, c'est l'impiété que condamne frère Jérôme. Mais qui es-tu pour oser dire que la Simonetta de Sandro est impure? Elle est tellement pudique, intouchable. Elle est la beauté, l'antique lumière du corps humain. Brûler ses dessins... Ce sont eux qui m'ont permis de ressusciter Simonetta des années après sa mort. Ce n'est plus l'heure de discuter, Sandro. Il devient dangereux de garder tout ça ici. Pour toi, pour moi, pour Florence tout entière. Les temps approchent. Mais dis-lui, une bonne fois, Sandro, dis-lui que tu ne crois pas à ces sornettes. Je ne sais qu'une chose. Je ne peins plus, je n'y arrive plus. Peindre, je ne peux plus. Pour le reste... Préférerais-tu vivre à Rome, confronté chaque jour au spectacle de la cour d'Alexandre VI, pataugeant dans la débauche et la corruption? Toi-même, au lendemain de l'excommunication de Savonarole, tu étais effaré de voir les cabarets rouvrir. Je déteste la vulgarité, la laideur. Je déteste Rome. Mais, Simone, je suis si fatigué. Tu as raison, sans doute. Mais laissez-moi, tous les deux. Trier, je vais essayer. Mais... Non, je t'en prie, laisse-moi, toi aussi. Laissez-moi. Comment m'y résoudre? Ce serait te brûler. Sais-tu seulement, Simonetta, là où tu es, que je t'ai ressuscité si souvent dans mes tableaux? Dans ton portrait, bien sûr, mais plus encore dans la naissance de Vénus, 10 ans après ta mort, sortant d'un coquillage sur l'onde de la mer, complètement nu, tes longs cheveux blonds protégeant ta pudeur, la plus belle femme de Florence. J'entends encore les cris d'admiration de mes confrères et de Laurent le Magnifique. C'était hier, pourtant. Et s'il était vrai que nous nous sommes fourvoyés, mon Dieu, de tous ces sermons, c'est celui-là qui me pourchasse, qui me réveille trempé de sueur. Non, ce n'est pas la foudre de Dieu qui m'effraie. Ce n'est pas d'avoir aimé les garçons. Ce qui m'effraie, c'est d'avoir eu tort. C'est à moi personnellement qu'il s'adressait devant la foule qui remplissait le Duomo. Il me regardait, moi qui représentais la Madone sous les traits d'une femme connue et aimée de tous à Florence, la femme de mon maître Fra Filippo Lippi. Savonarole, il me regardait moi. Il m'accusait au fond de l'âme. Vous les peintres, vous faites mal. Si vous saviez le scandale qui en est... Croyez-vous que la Vierge Marie était habillée comme vous nous la peignez? Je vous dis qu'elle était habillée comme une pauvre, avec simplicité, couverte, si bien qu'on voyait à peine son visage. Vous feriez bien d'effacer ces images qui sont peintes de façon si malhonnête. Vous nous montrez la Vierge Marie habillée comme une prostituée? Moi aussi j'ai tremblé en l'écoutant. Je me suis repenti d'avoir cédé aux envolées de mes amis poètes, à l'envoûtement des collections d'antiques de Laurent le Magnifique, d'avoir tout confondu, tout mêlé, mais comment le regretter? Simonetta, quand tu t'abandonnais à la caresse de mes pinceaux, me racontant les stratagèmes de Julien de Médicis pour te séduire, le soir, les jardins résonnaient de musique et de poésie. Mon ami policien chantait la jeunesse, le bonheur éphémère et la beauté fragile. Tous te regardaient, toi, Simonetta. Je me souvenais de ces vers quand je t'ai fait émerger dans la naissance de Vénus. On jurerait qu'alors la déesse sortait de l'eau, qu'elle pressait d'une main ses cheveux, tandis qu'elle couvrait son tendre sein de l'autre, et qu'où son pied avait laissé sa sainte trace, le sable se vêtait d'herbe verte. Le sable se vêtait d'herbe verte et de fleurs. Oh. Magnifique! D'herbe verte, de fleurs, est-ce que ce n'est pas magnifique? Allons, allons, n'en rajoute pas. Ne fais pas souffrir Julien plus que nécessaire. Mais n'était-ce pas envoûtant? Envoûtant d'être toi, surtout, sorti des eaux. Tu es encore vivante, ici. Et il faudrait te brûler. Savonarole n'est ni le premier ni le seul à vouloir réformer l'Église, encline au faste et à la débauche. Quelques années plus tard, Martin Luther, à son tour, défiera le pape avant d'être excommunié, impulsant la réforme. Mais Savonarole s'est piégé lui-même, une fois débarrassé des Médicis, en prenant les rênes de la ville. Sans armée, sans alliés, il est condamné à la fuite en avant. Il sait que seul un miracle peut lui éviter la défaite et la mort. Il se décrit déjà en martyr. Toute la ville vit au rythme de cette exultation de la mort au nom de la vérité. La voix de Dieu réclame à travers son prophète un sacrifice plus grandiose encore que les précédents. Les milices d'enfants, les fanciulli del frate, ont été mandatées pour récolter de quoi élever le plus grand des bûchers des vanités jamais élevés en Italie. Plus grandiose encore que celui du printemps précédent. Les rues sont désertes à la nuit tombante. Botticelli en fait les frais un soir qu'il se rend chez son amie Lucrezia, la veuve de son maître, le peintre Filippo Lippi. Au secours! Sandro. Oui. Mon Dieu, tes mains, ils le paieront. Fanciulli de merde. Ce ne sont pas les fanciulli. Qui, alors? Des voyous. De ceux qui attaquent les fanciulli, justement. Pour récupérer les bijoux. Et attaquent tous ceux qui passent. Tu as mal? C'est la jambe, surtout. Cassée. Voilà la question d'un départ réglé. Je te porterai. Dans une charrette. Non, mais écoute-moi, Pietro. Je sais maintenant. Je reste, je n'ai pas le choix. En voilà un nouveau signe si j'en avais besoin. Mais toi, tu dois partir. Je te donnerai de l'argent, une lettre pour dire tes mérites. Pars loin d'ici. Va trouver mon ami Leonardo. Il te prendra dans son atelier. Tu ne veux plus de moi? Tu obéis à Simone? Je veux que tu vives. Je veux que tu te sauves et l'avenir avec toi. Jamais, jamais je ne te laisserai ici. Il n'y a pas de signe. Tu ne peux pas céder à cette folie. Laisse-moi parler, Pietro. Je n'aime pas ce moine et je crois en la beauté. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi devrais-tu te repentir et de quoi? Nous avons toujours à nous repentir, tu ne crois pas, Pietro? Leur volonté de pureté est terrifiante, Sandro. Ils finiront par mettre le feu à toute la ville. Comment peux-tu... J'espère que tu n'apporteras que des copies. Des copies? Je ne sais pas, je n'y avais pas pensé. Veux-tu que je fasse des copies, moi, cette nuit? Tu les apporteras et voilà. Non, non, non, je ne veux pas mentir. Je ne veux plus mentir. Ces dessins doivent être de ma main. Et tu dois partir. Le 27 février 1498, au matin, à Florence, des milliers d'enfants en aubes blanches et crucifix rouges rassemblent le butin de leur razzia sur la place de la Seigneurie. Ils dressent le bûcher des vanités qui doit s'enflammer à 5 heures, à la tombée du jour, avant une nuit de prière, de ronde et de ferveur pour le rachat de la ville. Le bûcher compte 15 étages, 8 faces, plusieurs dizaines de mètres de large et 8 de hauteur, alternant les fagots et les draps précieux, mais couverts d'images déshonnêtes, les tableaux, les tables et cartes de jeu, les dés, les perruques, les instruments de musique et les livres impies, les fanfreluches, les parfums, les fards, les rubans, les bijoux. À 4 heures, la confrérie des peintres et des libraires arrive à son tour, pour que chacun dépose ostensiblement au moins une œuvre et davantage de préférence. Laisse-moi partir maintenant. Je t'en prie, Simone. J'ai le cœur en charpie. Je vais tomber. Prends exemple sur Fra Bartolomeo, qui vient de prendre l'habit sans renoncer à peindre. Laisse la ferveur te gagner. Abandonne-toi à la foi qui baigne la ville tout entière, la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je sais, Simone. J'en suis malade. C'est des ça. Je les ai fait hier, Simone, pour épargner les vrais, tu comprends. Je croyais que je pouvais m'en tirer ainsi. Je croyais que ce serait facile d'imiter les dessins d'autrefois, sans rien y mettre, aucune passion. Mais c'est Simonetta, toujours ces traits qui revenaient sous ma main. Souviens-toi de la mort de Laurent le Magnifique. Souviens-toi des troupes du roi de France arrêtées par la seule force du verbe de frère Jérôme, avant le sac de notre ville. Souviens-toi de la lutte sainte contre la peste. Rends grâce à Dieu de nous avoir préservés malgré nos fautes. Repens-toi, Sandro. Abandonne-toi à la prière. Frère Jérôme, le voilà. Comme il est maigre. Il ressemble à la mort, Simone. Tu ne m'avais pas dit. Si maigre, sous sa capuche noire. Seul l'ardeur des yeux. Il me regarde, Simone. Il me perce des yeux. Sacrifice! Sacrifice! Sandro, qu'est-ce qui t'arrive? Simone! Là! Tu ne la vois pas? Dans les flammes! Simone! Venez, venez! Aidez-moi! Il faut l'emmener! Plus jamais! Non, plus jamais je ne peindrai la vie nue. De peur qu'on me l'arrache encore. De peur qu'on la détruise. La beauté. La vie. Nue. On sait que Sandro Botticelli était là, dans le rugissement des flammes et le rougeoiement du brasier, 3 mois avant que Savonarole, ainsi qu'il l'avait prédit, soit arrêté, torturé et supplicié, brûlé pour hérésie le 23 mai 1498, sur cette même place de la Seigneurie. On sait que Botticelli était là, qu'il vit des œuvres de sa propre main s'enflammer parmi les vanités. Mais on ne sait rien, en vérité, du calvaire, de la terreur ou de la libération qu'il a pu en éprouver. On ne sait rien, sinon que son art aura été marqué à jamais par les sermons de frère Jérôme. Plus jamais Sandro Botticelli, l'auteur de cette pure merveille qu'est le printemps, plus jamais Botticelli ne peignit la lumière enchantée d'un corps d'homme ou de femme nu. C'était Botticelli monte au bûcher de Bertrand Leclerc avec Botticelli, Marc Shapira, Pietro Matila Maliarakis, Savonarole Serge Maggiani, Simone Philippe Dormoy, Simonetta Fanny Santerre et les voix de Clémence Bucher, Leslie Ménéhem, Sébastien Faglin, Thomas Guéné, Léo Reynaud et Enzo Guéné. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Nicolas Slimani, assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet, réalisation Benjamin Habiton. Dans quelques minutes, on retrouve bien sûr Sophie Chauveau pour parler de Botticelli et de Savonarole. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. De Drums sur France Inter dans Autant on emporte l'histoire. Sophie Chauveau, donc on a écouté ensemble cette fiction. Je rappelle, vous êtes écrivain, l'auteur notamment d'un roman sur Botticelli, Le Rêve. Botticelli, donc c'est un peintre que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup. Alors, cette histoire est quand même extraordinaire, quand même un artiste comme ça, confronté à la fin de sa vie à ce pouvoir de Savonarole, cet homme qui tout à coup se met à se sentir obligé à aller jeter de ses peintures. Il y a peut-être des œuvres de Botticelli, à votre avis, qui ont été jetées au feu comme ça, dans un bûcher. Il est certain qu'il y a des œuvres de Botticelli et de plein d'autres artistes de l'époque, et même d'avant, qui ont été jetées. C'est-à-dire tout ce qui relevait du loisir, de l'oisiveté, du plaisir, a été sévèrement mis au bûcher. C'était légitime dans la logique savonarolesque, mais je pense que Botticelli, qui n'était pas un affité de Savonarole, au contraire, qui avait plutôt tendance à trouver ça un peu grotesque, était quand même, comme tous les Florentins, un peu sous l'anxiété qu'il faisait régner avec ses prêches, qui étaient fabuleux, qui devaient être d'un haut niveau qu'on n'a pas idée aujourd'hui, à la fois d'emphase et de terreur. Donc, je crois qu'à l'intérieur des églises où prêchait Savonarole, les gens se massaient parce qu'ils avaient besoin d'entendre quelque chose d'aussi élevé et d'aussi inquiétant. Vous dites qu'on pouvait faire des cauchemars après avoir entendu un prêtre de Savonarole. Il y a des chroniques qui le racontent, oui. Ouais. C'est pas du tout moi qui le dis, c'est avéré. Ouais. Des gens qui étaient a priori des bons chrétiens, mais sans excès, devenaient terrorisés. Et oui, donc, c'est la puissance du verbe, c'est la puissance d'un dictateur aussi. Pas tellement dictateur, on reste en République, même sous Savonarole. Hein, c'est une République théologique, mais on reste en République. Florence reste une ville qui a gagné ses galons de République. Et donc, non, c'est juste que la terreur règne par le verbe et que s'en emparent des brigades d'enfants qui sont, elles, extrêmement terrorisantes. Enfin, oui, quand les enfants prennent le pouvoir comme ça, c'est toujours un peu inquiétant. On peut penser aux blousons noirs, on peut penser aux terroristes, on peut penser... aux enfants Khmer Rouge. Voilà, enfin, bon, on a malheureusement mis l'exemple. Mais c'est vrai que la terreur, c'est pas Savonarole, c'est ces aficionados qui la font régner. Et puis surtout, c'est ces zélotes qui... Pour être plus savonaroliens que Savonarole, ils en font trop, ils rentrent dans la maison de chacun pour aller chercher des dentelles et des fioritures à jeter dans les bûchers. C'est l'Inquisition, qui n'est pas là et qui n'est pas beaucoup à Florence en plus. Donc c'est vraiment très, très angoissant, ça ne dure pas longtemps par chance, mais on comprend l'angoisse. Bien sûr, deux choses absolument justes, Botticelli a refait des tableaux pour les jeter au bûcher pour ne pas condamner des pièces majeures, d'une part, et d'autre part, tous les artistes ont apporté des tableaux un peu connus parce qu'il fallait faire allégeance. Donner des gages, voilà. Comme dit Botticelli. Absolument, donner des gages, apparemment en tout cas. Et y assister, ce qui devait être un crève-cœur. Est-ce que c'est vrai que Botticelli s'est arrêté de peindre justement après cet épisode ? Il s'est arrêté de peindre en 1505. Il meurt en 1510. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il meurt inconnu alors qu'il n'a plus peint depuis 5 ans. Et qu'il arrête de peindre au fait de sa gloire. Il prend une sorte de retraite à la campagne. D'ailleurs, il quitte Florence, qu'il a tant aimée, en 1505. Et c'est fini, il arrête tout. Il regarde pousser les oliviers. Mais pas du tout de façon mystique. Hein. Et ce n'est pas un mystique, c'est un homme de la Renaissance, à tous les sens du mot. C'est-à-dire, y compris quand il peint, du dévoilement. De montrer le plus possible la réalité telle qu'il la voit. C'est-à-dire qu'il la voit belle. Donc c'est forcément contradictoire avec cet esprit très noir qui est celui de Savonarole, mais qui est en même temps un esprit qui est intéressant parce qu'il annonce Luther, il annonce la contre-réforme, comme a dit votre fiction, dans la mesure où son ennemi principal, ça n'est ni Florence, ni les Florentins, ni même les Médicis, c'est le pape. Profondément, c'est un bras de fer avec le pape. Alors ça se fait un peu sur le dos des Florentins libertins. Ah oui, quand même, les femmes, les homosexuels, les mécréants... Mais il n'y a pas beaucoup de mise à mort. C'est-à-dire que ça reste assez suave comme dictature, si je puis dire. On a connu pire au XXe siècle. Et même avant, et même pendant, et même à côté. L'Inquisition sera bien pire. Non, non. En fait, c'est un être d'une assez grande élévation, j'imagine, et c'est moral. C'est-à-dire ce qu'il critique de la papauté est terriblement critiquable. Et quand même, il y a initialement, avant la prise de pouvoir de Savonarole, une vraie reconnaissance. C'est Laurent de Médicis qui est allé le chercher. C'est Laurent de Médicis qui l'a fait venir à Florence, un peu sur les conseils de Pic de la Mirandole, parce que Pic de la Mirandole avait de l'admiration pour le penseur qu'était Savonarole. Donc, on peut pas en faire totalement une caricature. Moi, j'ai eu du mal, c'est-à-dire au début, je suis partie violemment hostile. À l'arrivée, j'ai eu un peu d'eau dans le vin, quand même. Mais qu'est-ce qu'il reproche, en fait ? C'est la nudité, c'est ça qui fait la caractéristique de Botticelli, aussi. C'est ça qu'il a apporté à la peinture, et que Savonarole, peut-être, ne pouvait pas accepter. Je crois qu'il a apporté profondément à la peinture une aube d'été qui s'est levée sur le monde, et qui est celle de la Renaissance, et qui est celle à la fois... Il y a une joie de vivre qui s'exprime dans cette peinture. Même s'il y a une mélancolie quelque aussi. Chose comme de la légèreté, quelque chose comme du plaisir de vivre, comme l'écume des choses, l'écume des vagues, le bonheur d'être au monde et dans cette vie-là et de ne pas attendre la mort pour en profiter. Des choses aussi simples que ça. Déjà, c'est beaucoup. C'est pas mal, oui, à l'époque. Et surtout, cette espèce d'avidité, de gourmandise, goulue de cette découverte qu'on fait à la fois des antiques, donc des œuvres des antiques et des textes qu'on découvre à ce moment-là. Et on se met à lire Platon, on se met à lire tout ça, et c'est génial. Et on partage et on fait des poèmes là-dessus et on actualise. Et la Renaissance, ce n'est jamais qu'une mise au jour et au goût du jour du passé. Donc, c'est un dévoilement de notre histoire. Oui, Botticelli peint des scènes de la nativité, par exemple. Il, au lieu de représenter des personnages quelconques pour représenter les personnages de la nativité, il va prendre Pie de la Mirandole, il va prendre Laurent de Magnifique, ses copains. Lui-même, il se peint dans les tableaux. C'est étonnant. C'est le début, on commence. Lippi a déjà un peu fait ça, Masaccio a un peu fait ça, mais c'est nouveau que ça soit fait à une aussi grande échelle. Et c'est vrai que c'est un moment d'échange artistique qui est extraordinaire. Donc ils échangent beaucoup. Et donc tout ça, c'est un moment où on essaye de mélanger la peinture, la poésie, la musique, la danse, tout traverse l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette œuvre-là. C'est aussi ce qui lui donne ce petit frisson comme ça, qui dure encore. La peinture, elle bouge encore quand vous la voyez aujourd'hui. Elle est toute fraîche. Et Botticelli, c'est lui qui, le premier, représente des corps nus. Voilà. Qu'est-ce que ça représente, en fait ? Comment vous dire ? J'ai l'impression qu'il ne l'a pas fait exprès. C'est très intéressant parce qu'il va faire des hommes nus et des Saint-Sébastien percés de flèches, parce que c'est important d'en faire à ce moment-là et de l'histoire et de l'époque. Et puis, il va faire des femmes nues de la mythologie qui ne peuvent pas être autres que nues, en n'ayant pas du tout le sentiment de faire des choses érotiques. Il fait des choses normales. Il montre ce qu'il voit et ce qu'on doit voir quand on voit une femme qui naît de l'onde et qui sort nue de l'onde. Donc c'est vrai que ce n'est pas spécialement érotique, les tableaux de Botticelli. C'est même des nus d'une assez grande chasteté. Parce que c'est juste, historiquement, les premiers nus de la peinture européenne. Donc, ça coupe le souffle de voir pour la première fois. C'est pour ça aussi, c'est subversif. C'est subversif pour ça, parce que c'est la première fois. Ce n'est pas des nus audacieux, c'est des premiers. C'est amusant d'ailleurs de penser qu'on arrive à trouver audacieux des nus de Botticelli qui sont absolument chastes. Moi je trouve ça drôle. Ouais. Aujourd'hui, en même ceux du Titien, ceux de Manet qui vont imiter ceux de Goya ou du Titien seront beaucoup plus érotiques, beaucoup plus chargés que ceux de Botticelli qui sont d'une apesanteur presque. C'est très étonnant. Hein. Et c'est vrai que Botticelli a été agressé comme ça la nuit. Il a été victime d'attentats, oui, absolument. Par les fanciulli del frate. On le pense. Qui l'ont laissé quasi mort, voilà. Merci beaucoup Sophie Chauveau d'être venue dans cette émission. Je conseille la lecture de votre roman si on veut en savoir plus sur Botticelli. C'est Le Rêve Botticelli, disponible en poche en folio Gallimard. Et plus récemment, vous êtes l'auteur de Manet, le secret chez Télémaque. Et Avec Fragonard dans des draps d'aube fine, ça sonne bien érotique, chez In Venit. Avant de nous séparer, on écoute pour le plaisir un extrait d'un air de Monteverdi, un Florentin comme Botticelli, Si dolce il tormento par Rolando Villazone. Si dolce il tormento che in cielo mi sta, io vivo contento per cruda beltà. Si dolce il tormento che in cielo mi sta, io vivo contento per cruda beltà. Nel ciel di bellezza s'accresci fierezza e manchi pietà, che sempre quel scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. Nel ciel di bellezza s'accresci fierezza e manchi pietà, che sempre quel scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. Voilà, c'est la fin d'Autant en emporte l'histoire pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. La semaine prochaine, pas de Autant en emporte l'histoire, mais à la place, un très beau concert d'Hubert Félix Thiéphaine dans une création originale avec des musiciens des orchestres de Radio France. Ce sera à 21h. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour parler de l'incroyable et authentique histoire de l'esclave Fursi, un esclave qui voulait être libre. Je recevrai l'écrivain et journaliste Mohamed Aissaoui. Très bonne soirée à tous.